un homme qui n'a pas peur, c'est pas un homme. L'important, c'est d'assumer sa peur. J'pète mon bédo, le poteau pète la clico. J'ai piqué ta mère, gros, j'ai piqué son hume. T'as envie de me fumer, tu m'insultes de fumer. Mais le fumier l'a baisé, gros, j'étais sous popo. Vêtu du croco, la squale les gros. 4 coups dodo, j'm'arrête, pépon. 4 coups dodo, je m'en réveille, pépon. Toi t'as tourné, tourné, merde pour la dessaper. T'as moi et mon pote qui se la font tourner. La squale, pépère, je visère, pas peur. Les condés me donnent l'air, toi t'as peur. Maillé, maillé, maillé, mon salaud, je veux mailler. Je t'avais dit dans du sale, gros, je vais faire du sale. Y'a pas mille manières, gros, chaque cas je récupère. Y'a pas de marche arrière si tu pèses la visière. Pour être sûr de t'avoir ici, ça vise la mâchoire. Beaucoup de Tommy, la plupart font galerie. C'est des rigolos qui courent derrière la coco. La squale sur Concorde qui visère à l'osbo. Poto, poto, fais fumer sur le bédo. Les petits t'arrachent ta chaîne comme un Sao Paulo. Tout dans le polo, 10 kilos dans le cofio. Get les rétro, y'a la popo. Derrière, en image synthèse, ça donne la forme, mon déo. 4 blanco, ça sent pas bon. Une guette bizarre, je les guette peinard. Dans la boîte, ta gant, y'a même un pétard en plein ripa. Le stress est là, le cœur qui bat, le corps prend pas. On les guette même pas, chacun ça bug pas. Ça y est, c'est bon, gros, la bac s'en va. Ça y est, c'est bon, gros, la bac s'en va. La tension descend et moi je t'éclame à Fanta. C'est pas des foutaises, 20 coups de choc comme la brette. Je m'éteins que j'avais chaussettes, j'enlève mon polo. Je suis très lent des poulets, très lent de me faire péter. Au fait, ça sonne pas quand ça pète la cassa. Ça te pète au lit, au PJ, la noti. T'es déjà menotté avant de comprendre ce qui se passait. T'es déjà au placard, mais t'as qu'est-ce que t'as fait? Ton coup est chelou, il divague sur les faits. On est des voleurs, on déteste les violeurs. Avec Dooms de rue de Nantin, on a des sapés. Je m'appelle son culé, gros, je peux pas l'oublier. Je peux pas l'oublier, gros, je peux pas l'oublier. T'as mon gasso de la quête, gros, qui m'envoie le lasso. Ça remonte, ça peut, ça, c'est un ensemble de ripas. Ben gros, ça bouge pas. Allez, pétez les t-shirts, ça bouge pas.